cette 18 observations, formes masculines et féminines, révision et extension. Masculin, carré. Féminin, carré. Allongé. Allongé. Distingué. Distingué. Bleu. Bleu. Vrai. Vrai. Joli. Joli. Noir. Noir. Notez que, du point de vue du son, ces formes masculines et féminines sont identiques. Mais, du point de vue de l'orthographe, les formes féminines se terminent par un E.